Chapitre 25e. Lorsque le marquis avait tracé à Madame Beaujonnier le plan d'éducation qu'il désirait que Denis suivît, il avait annoncé que tous les jours à 5 heures il monterait à l'appartement de sa pupille afin de juger par lui-même les progrès que ferait celle-ci. Pendant la première semaine de l'installation de Denise au château, il était en effet monté chaque jour à cet appartement. Mais au lieu d'arriver à 5 heures, comme il l'avait dit, bien souvent il n'arrivait qu'à 6 heures. Puis, après quelques instants, quelquefois même sans s'être assis, il redescendait. Mais bientôt il était devenu plus exact, et ses visites s'étaient de plus en plus prolongées. Il avait voulu que Denise travaillât devant lui, et il ne s'était plus contenté d'un coup d'œil jeté à la hâte sur ses devoirs, ou d'une interrogation faite en passant sur un sujet amené par hasard dans la conversation. À 5 heures précises, il entrait chez Denise, et il s'installait dans un fauteuil auprès d'une fenêtre, de telle sorte qu'il avait en face de lui la jeune fille et son institutrice. « Veuillez continuer votre travail comme si je n'étais pas là, » disait-il. Et, attentivement, le menton appuyé sur la main, il écoutait et regardait. Le travail continuait, ou plutôt il était censé continuer, comme si le marquis n'avait pas été présent. Mais en réalité, il était tout autre que celui du matin. Fidèle à sa règle de plaire, Clément se gardait bien de traiter à ce moment des sujets qui auraient pu ennuyer ou fatiguer le marquis. Ceux-là, on les réservait pour la matinée. L'après-midi, on ne s'occupait que de choses agréables, d'histoire, de littérature, de musique. Denise avait de la mémoire et, comme avec cela, elle s'appliquait à son travail. Elle avait assez promptement retenu des morceaux de prose ou de poésie que Clémence lui faisait alors réciter, ou même quand c'était une scène dramatique qu'elle récitait avec elle pour lui donner la réplique. Au temps où Emma avait Denise près d'elle, elle ne s'était guère occupée de l'instruction de sa fille. Cependant, elle lui avait fait apprendre, un peu au hasard, quelques fables, et elle lui avait enseigné de les répéter d'une toute autre façon que les écoliers ne répètent ordinairement leurs leçons. De là, chez l'enfant, des habitudes de diction contractées, pour ainsi dire, sans s'en apercevoir. Et comme avec cela, elle avait une voix douce et harmonieuse, la voix de sa mère, c'était plaisir de l'entendre dire à haute voix un morceau de vers ou de prose. Le marquis l'écoutait, sans la quitter des yeux, l'interrompant seulement de temps en temps par une parole d'approbation ou pour lui dire avec un accent légèrement ému « Comme vous rappelez votre mère, mon enfant, c'est la même voix. » Pendant les premiers temps, il avait été assez insensible aux répliques de l'institutrice, qui d'ailleurs, se réservant toujours les parties insignifiantes, n'avait guère d'occasion de se faire remarquer. Qu'importait au marquis, lorsqu'il venait d'entendre Denise, la réplique d'une Phénis ou d'une nonne. Cependant, il prêta peu à peu attention à cette confidente qui n'avait jamais que quelques mots à dire, mais qui toujours les disait d'un ton juste, d'un accent pénétrant. Et il arriva qu'au lieu de rester les yeux fixés sur Denise après qu'elle s'était tue, l'applaudissant d'un sourire lorsqu'elle avait bien récité son morceau, la réconfortant lorsqu'elle s'était trompée, il se tourna du côté de l'institutrice. Un jour qu'elle récitait la première scène d'Esther, Denise faisant bien entendu Esther et Clémence et Lise, il fut tout surpris de se sentir remué par la façon dont celle-ci dit sa réplique. Denise avait mis dans l'accueil qu'elle faisait à sa chère Élise une tendresse joyeuse. C'était bien la jeune fille qui, après 6 mois de séparation, est heureuse de retrouver de ses premiers ans la compagne assidue. De l'élan, de l'émotion, et toujours cette voix musicale qui était un charme pour l'oreille. Mais quelle différence avec Élise quand celle-ci, d'une voix désolée, avait prononcé ces 2 vers. Du reste des humains, je vis les séparés, et de mes tristes jours n'attendais que la fin. Par une évocation bizarre, il avait semblé au marquis qu'il la renvoyait dans son misérable appartement du faubourg Saint-Honoré. Elle avait continué. Ô spectacle ! Ô triomphe admirable à mes yeux ! Digne en effet du bras qui sauva nos aïeux ! Le fier Assuérus couronne sa captive, et le persan superbe est au pied d'une juive. Par quel secret ressort, par quel enchaînement, le ciel a-t-il conduit ce grand événement ? En disant ces vers, elle s'était avancée vers le marquis, et étendant la main de son côté lorsqu'elle avait parlé du fier Assuérus, elle l'avait regardé d'une façon étrange qui l'avait profondément troublée. Un frisson rapide comme l'éclair avait couru dans ses nerfs, instantanément suivi d'une bouffée de chaleur lorsqu'elle avait dit « Et le persan superbe est au pied d'une juive ». Pourquoi ces vers, qu'il savait par cœur, et qu'il avait entendu réciter 20 fois, produisait-il en lui un effet si étrange ? Il n'avait point écouté le récit d'Esther, et les yeux tournés vers la campagne, regardant au loin sans boire, il s'était perdu dans la méditation. Que se passait-il donc en lui ? Chose curieuse, ce n'était pas la voix de Denise qu'il entendait pendant que celle-ci continuait son récit. C'était celle de l'institutrice qui résonnait toujours dans sa tête qu'elle avait emplie. Denise était eue depuis quelques instants déjà, et il restait les yeux fixés au loin. Tout à coup, il s'était levé brusquement. « Ah oui, très bien, mon enfant, très bien » avait-il dit. Puis se tournant vers Clémence, mais lui parlant sans la regarder. « Vous avez vraiment un remarquable talent de diction, très remarquable. » Et il était sorti. « Qu'a donc mon parrain ?» avait demandé Denise avec inquiétude. « L'ai-je contrarié ? J'ai mal dit mon récit, n'est-ce pas ?» Clémence avait souri silencieusement. « Je l'ai mal dit. Vous ne voulez pas me gronder ? Et mon parrain s'est sauvé pour ne pas me rire au nez ?»« Je vous en prie, reprenons-le ensemble. Je le travaillerai, et dans quelques jours, quand je le saurai bien, je le redirai. Voyez donc comme il est peiné. » Et s'approchant de la fenêtre, elle avait regardé le marquis qui marchait sur l'esplanade, la tête basse, absorbé dans une méditation sérieuse. Le lendemain, le marquis était arrivé avec une heure de retard, et au lieu de s'asseoir dans son fauteuil comme à l'ordinaire, il était resté debout, marchant çà et là sans dire sa phrase sacramentelle « Veuillez continuer votre travail. » Puis, après quelques mots insignifiants, il était sorti au grand désespoir de Denise qui s'était accusée de ce changement. « Vous voyez, avait-il dit, je l'ai ennuyé hier, et il n'ose s'exposer aujourd'hui à pareil ennui. Il me semble cependant que je ne dis pas trop mal le commencement de mon récit. C'est la fin qui ne va pas. À partir de mes faibles attraits, le roi fut frappé. Je sens que je répète comme un perroquet. Il faudrait de la tendresse, de la grâce. Il faudrait ce que je n'ai pas. Ah, si je pourrais dire comme vous. Enfin, avec des yeux, où régnait la douceur. Si mon parrain entendait ces vers dans votre bouche, bien certainement il ne s'en irait pas. » Cependant, peu à peu, le marquis reprit ses habitudes et de 5 à 7 heures, il s'installa dans l'appartement de Denise. « J'apprends avec vous, » disait-il. Et de fait, il interrogeait beaucoup Clémence. Lorsqu'elle parlait, il l'écoutait avec une attention soutenue. Tourné vers elle, il ne la quittait pas des yeux. « Quel bon élève que mon parrain !» disait Denise en riant. « Il me donne des leçons de tenue et d'attention. Quand vous distribuerez des prix à votre classe, je crois bien que ce sera votre grand élève qui les aura tous. » Cependant, le grand élève n'écoutait pas toujours. Il prenait quelquefois la parole. Cela arrivait surtout à propos de la géographie. Le marquis avait beaucoup voyagé. Il connaissait bien l'Europe et l'Orient, un peu le nord de l'Afrique, et par les récits vivants d'un voyageur qui a vu, il complétait les leçons un peu sèches que donnent les livres. L'institutrice avait aussi voyagé en Italie et en Angleterre, alors qu'elle était enfant, et qu'elle suivait son père dans les excursions artistiques que faisait celui-ci. Quand il était question de ces pays, c'était entre elle et le marquis de longues conversations, des digressions sans fin. Vous souvenez-vous ? Avez-vous vu ? Et tel hôtel, telle voiture ? Ce n'était pas ainsi lorsque je suis passé là. Tout le bavardage entraînant de ceux qui ont parcouru les mêmes pays et qui, par l'évocation des souvenirs, jouissent ensemble de plaisirs qui, cependant, ont été goûtés séparément. Ce fut ainsi que ce qui avait commencé par être des leçons ne tarda pas à devenir de simples conversations. Il est vrai qu'elles roulaient sur des sujets graves, car de la géographie, on passait à l'histoire ou à la littérature, poésie, roman, théâtre. Mais enfin, ce n'était plus des leçons, avec le sérieux qui résulte de cela seul, qu'une personne professe pendant que les autres écoutent. Dans ces entretiens, chacun disait son mot. On s'interrompait mutuellement et tout naturellement. La position de chacun des interlocuteurs se trouvait modifiée. Clémence n'était plus l'institutrice, et le marquis n'était plus le père qui a surveillé les études de son enfant. Elle était Madame Beaujonnier, une jeune femme charmante, instruite, pleine d'esprit, et il était le marquis de Rudemont, un homme du monde, se plaisant dans des entretiens élevés. Ensemble, deux amis, devisant dans le charme de l'intimité. Le caractère de cette intimité s'accentua bientôt encore dans un autre sens. Sans être mélomane, le marquis avait un certain goût pour la musique. C'est-à-dire qu'après son dîner, alors qu'il était étendu dans un fauteuil, respirant le frais et regardant les étoiles, il aurait aimé qu'on se mît au piano et qu'on lui jouât un morceau gai ou mélancolique selon l'humeur dans laquelle il se trouvait. comme Madame Hérode n'était pas musicienne, et comme le cousin Artem n'avait jamais joué que de la trompe. Il est vrai qu'il était sur cet instrument de la force de plusieurs chevaux, disait-il en parlant de son talent. Le marquis n'avait pu s'offrir ce plaisir que quand Louis Mérot était au château. Comme un jour il se plaignait à table de cette privation, Clémence ne dit rien. Mais après le dîner, quand le marquis se fut installé à sa place ordinaire dans le salon et qu'elle le vit suivre en l'air les spirales de la fumée de son cigare, elle lui demanda la permission de se mettre au piano. Et depuis ce jour-là, chaque soir, elle vint à lui avec un sourire. « Une valse ?» disait-elle. « Ou bien une rêverie ?» De côté, sans se retourner entièrement, elle suivait les impressions que la musique produisait sur le marquis. Et tant qu'elle voyait celui-ci attentif, elle jouait. Aussitôt qu'elle croyait remarquer qu'il avait assez de musique, elle fermait le piano et se remettait à sa tapisserie comme une bonne petite femme de ménage. Monsieur de Carquebus trouvait que le piano ne valait pas la trompe et qu'il était bien ennuyeux d'être obligé de rester tranquille sur son fauteuil sans pouvoir tourner en tous les sens dans le salon comme il en avait toujours eu l'habitude. Mais il se consolait de ce supplice que le marquis lui imposait en allant s'asseoir derrière Clémence et pendant tout le temps qu'elle jouait, il restait à regarder les mouvements de ses épaules. Comme elle était charmante, bien posée sur son tabouret, et entre ses dents il murmurait. Est-elle souple, cette petite chatte-là ? C'était sa manière de sentir la musique et de juger la musicienne.